Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un certain esprit de famille. À l'été 2020, une enquête de Nicolas Jacquard dans Le Parisien lève le voile sur un groupe que nombreux habitants du 20e, 12e et 11e arrondissement connaissent sans vraiment le connaître. La famille. Alors, est-ce une secte qui prospère dans Paris sans contrôle des autorités? Parlons plutôt de mouvements religieux qui regroupent plusieurs centaines de cousins qui se marient entre eux, formant une grande famille fermée autour de 8 noms. Né d'une branche dissidente du jansénisme, ce groupe fédérerait 3000 membres, adeptes de la culture du secret, principe cardinal dans cet univers. Les enfants se rendent dans les collèges et écoles publiques du secteur, mais restent entre eux, ne se mélangent pas aux autres. Coupés du monde, mais dans le monde, certains les ont surnommés les Mormons de Paris. Les règles, interdits et rites qui encadrent leur quotidien, en effet, fascinent et interrogent. Plonger dans l'histoire de la famille, c'est se demander ce qui fait ou non une secte. C'est essayer de déceler ce qui relève ou non du conditionnement. Notre invitée aujourd'hui, la journaliste Suzanne Privat, autrice du livre « La famille itinéraire d'un secret » publié aux Avril l'an dernier, produit de son enquête réalisée pendant 2 ans dans son quartier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il suffit de faire le test sur Facebook et de taper l'un des 8 patronymes qui composent la famille. Essayez par exemple Thibou, T-H-I-B-O-U-T, sur votre clavier. Surfez, cliquez sur l'un des nombreux profils proposés, regardez les photos et jetez un œil aux commentaires, aux identifications sur les clichés du groupe. Puis faites un tour dans la liste d'amis. Les mêmes noms de famille se répètent. Thibou, Fert, Sanglier et les autres. Des clichés de vacances, de tables gigantesques, des mariages qui unissent ici un Thibou et une Ferte, là une Thibou et un Sanglier. Avec toujours le même décor, un mur en crépus blanc, une petite allée, un pavillon de banlieue. C'est ici, au Cosseux, comme ils l'appellent, que les cousins se rassemblent et font corps pour les fêtes et les noces. Une villa modeste, retapée dans les années 50-60, à 1 heure de la capitale, dans la petite commune de Villiers-sur-Marne. Au fil du temps, la famille achète les terrains voisins et quelques autres bâtiments. Femmes en jupe, hommes en costume, les jeunes s'y adressent aux adultes à coups de « bonjour ma tante » ou de « bonjour mon oncle ». Marmots et adolescents attendent patiemment de passer à table pour le déjeuner, généralement sur les coups de 16 heures. Les Cosseux, c'est le point de ralliement de la communauté parisienne. Les cousinades s'y prolongent jusqu'à l'aube, baignées dans l'alcool sous le regard bienveillant des voisins. Un siècle que cette troupe fait trembler plusieurs fois par an cette rue calme et pavillonnaire de Villiers-sur-Marne, alors les habitants ont l'habitude. Et le soir, très tard, résonne la fameuse chanson des Cosseux que chaque cousin connaît par cœur et entonne dans l'immense réfectoire. De l'amitié de la franche concorde, en ce beau jour, le signal est donné. Plus de disputes, plus la moindre discorde, les uns aux autres, que tout soit pardonné. Affreux cancan, paroles mensongères, vil racontard, fuyez à tout jamais. Que de la paix enfin commence l'ère, célébrons-la, amis, en ce palais. Tous la voulaient, cette sincère alliance, tous désiraient cet instant merveilleux qui marquait la fin de notre souffrance, nous réunit et nous rend si heureux. Mais retenus par cet orgueil immonde, tous en souffraient, mais en souffraient bien bas. Ta récompense est notre joie profonde, à qui osa faire le premier pas. Bien reçu. Et quand il est l'heure de partir pour ces dizaines d'oncles, de tantes et de cousins, on baisse les stores, on range les chaises et le pavillon restera vide avant le prochain rassemblement. Le dernier propriétaire des Cosseux n'est autre qu'Auguste Thibou, mort en 1920. Celui que la famille appelle encore aujourd'hui mon oncle Auguste, descend de l'un des fondateurs du mouvement religieux, et il en est un père spirituel. Et on le retrouve sur une photo sépia. Entouré de 3 cousins, la moustache bien fournie, béré sur la tête, un embonpoint prêt à faire craquer les boutons de sa veste noire, Monsieur Trône. Sur la table, une date écrite à la main, 25 mars 1905. Et à côté du morceau de papier, le traditionnel litron de vin garant des retrouvailles au Causseux. Mais pour remonter à l'origine de cette grande fratrie parisienne d'aujourd'hui, 3000 âmes, il faut reculer dans le temps, et pas qu'un peu. Alors quittons notre expérience sur Facebook et le RER qui conduit vers la petite maison de Villiers-sur-Marne. Car l'histoire de la famille s'avère sinueuse, complexe. Née il y a plus de 3 siècles, elle s'ancre dans le jansénisme, une doctrine théologique à l'origine d'un mouvement religieux, puis politique et philosophique, qui se développe au XVIIe et XVIIIe siècle, défendu avec ferveur par Pascal dans ses Provinciales. Je suis donc, en un mot, que leur différend touchant la grâce suffisante est en ce que les jésuites prétendent qu'il y a une grâce donnée généralement à tous, soumise de telle sorte au libre arbitre qu'il la rend efficace ou inefficace à son choix, sans aucun nouveau secours de Dieu et sans qu'il manque rien de sa part pour agir effectivement. Et c'est pourquoi il l'appelle suffisante, parce qu'elle seule suffit pour agir. Et que les jansénistes, au contraire, veulent qu'il n'y ait aucune grâce actuellement suffisante qui ne soit aussi efficace, c'est-à-dire que toutes celles qui ne déterminent point la volonté à agir effectivement sont insuffisantes pour agir, parce qu'ils disent qu'on n'agit jamais sans grâce efficace. Voilà leur différend. Née au XVIe siècle, la doctrine janséniste s'inspire des textes du philosophe et théologien saint Augustin. En 1640 est publié l'Augustinus, l'ouvrage théologique posthume de l'évêque Jansénus Cornelius Jansen, le père du jansénisme. Il y met en cause la tradition catholique réaffirmée par le Concile de Trente. Il professe des idées sur la grâce divine et la prédestination. Ce texte rigoriste déclenche l'une des querelles les plus profondes au sein de l'Église. Les idées jansénistes sont alors combattues par les jésuites qui ont prêté serment d'obéissance absolue au pape. Ces mêmes jésuites appartiennent au cercle proche de la couronne de France. C'est dans le cadre de cette lutte idéologique et de pouvoir que les jésuites tirent de l'Augustinus 5 propositions comprenant 5 idées principales que le pape condamne comme déviantes. Le gouvernement français, alors dirigé par Mazarin, exige des catholiques suspectés d'avoir des idées jansénistes de signer une déclaration par laquelle ils rejettent ces 5 idées principales. Les jansénistes refusent. Louis XIV part alors en guerre contre cette doctrine. Les jansénistes sont condamnés à l'exil, déchus de leurs fonctions officielles. Les bâtiments sont détruits. Être janséniste, c'est être dissident. En 1664, le roi ordonne de l'archevêque de Paris l'expulsion des religieuses de l'abbaye de Port-Royal des chants fiefs jansénistes. Dans sa pièce de théâtre, Port-Royal justement, parue en 1954, Henri de Monterland met en scène cet exil forcé. J'ai l'ordre de rompre les portes en cas qu'on refuse d'obéir. Et refouler ces filles dans la clôture, elles vont partir sur l'heure. Qu'elles aillent chercher le principal de leur harde, le reste leur sera porté demain. Faites retirer ces hommes, monseigneur. Nous protestons et nous en appelons. Mais nous obéirons sans qu'il soit besoin de recourir à la violence. Nous sommes entre vos mains. Monsieur le lieutenant civil, vous avez fait chez nous jusqu'à 7 expéditions en 4 mois. Il vous arriva de faire secouer les matelas pour voir s'il n'y avait personne caché dedans. Cette fois, vous voudrez bien prendre garde au matelas sur lequel une de nos sœurs agonise. Car il y a toujours une de nous, ici, qui est en train de mourir pendant que la police est en bas. Ma mère, si j'ai fait secouer les matelas, c'est que mon office était de le faire. Et je ferai cette fois aussi tout ce que je jugerai bon de faire. Et vous m'y forcerez d'autant, si vous le prenez sur ce ton avec moi. Quand notre sœur sera morte, nous placerons entre ses mains une requête à notre Seigneur pour en appeler à lui de votre violence, et nous l'enterrerons avec cela. Mais la pensée janséniste survit. Elle se propage, même au point qu'en 1717, Louis XIV fait raser l'abbaye de Port-Royal des champs. Alors, la doctrine poursuit sa route, mais dans la clandestinité. Et c'est dans son sillon qu'un autre mouvement se crée, à l'origine de notre famille parisienne, celui des convulsionnaires de Saint-Médard. C'est là que commence notre voyage, dans un univers propice à donner au rationnel un surcroît de motivation pour rester rationnel, jugé plus tôt. Le 1er mai 1727, le diacre François de Paris, comme le grec, meurt dans une misérable cabane au coin de la paroisse Saint-Médard, dans le 5e arrondissement de Paris, comme la ville. Le lendemain de sa mort, la foule se rassemble près de l'église pour toucher les vêtements, les livres du saint homme. Une femme paralysée du bras droit entre dans la pièce où repose le corps. Elle se met à genoux, baise les pieds du diacre et pose sa tête sur le linceul. Et bien le soir même, elle retrouve l'usage de son bras et court propager la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que le cimetière de Saint-Médard, où est enterré le saint miraculeux, devient lieu de pèlerinage. Les guérisons s'y multiplient, dit-on. La foule s'y presse de jour comme de nuit. Les malades s'étendent sur la pierre et sont pris de convulsions, de transes, poussant des cris de bête et des supplications incessantes. De 1732 à 1735, ainsi, 116 miracles sont enregistrés chez les notaires. Alors pour faire baisser cette fièvre convulsionnaire, le 27 janvier 1732, le roi promulgue une ordonnance. De par le roi, sa majesté étant informée de tout ce qui s'est passé dans l'un des cimetières de la paroisse Saint-Médard, a jugé bon de faire cesser un tel scandale en ordonnant que la porte du dit cimetière de la paroisse de Saint-Médard demeure fermée. Sa majesté défend pareillement à toute personne, de quelque état et qualité qu'elle soit, de s'assembler dans les rues qui environnent le dit cimetière. Signé, oui. Ces cérémonies étant interdites, et puisqu'ils ne peuvent plus les célébrer dans le cimetière ou près de l'église, les convulsionnaires se cachent. Ils se retrouvent dans les maisons, les caves, les greniers parisiens, les sous-sols, pour entrer dans des transes macabres. Le mouvement convulsionnaire ne diminue pas, au contraire, il enfle. Et s'il n'y a plus de guérison, eh bien il faut les provoquer. Alors, pendant d'étranges rites, ces jansénistes dissidents se frappent avec des bibles, des bûches. Ils se mutilent avec des épées, des poignards. Les coups se transforment en séances de crucifixion. Les pieds sont tordus, les corps piqués pendant des séances morbides. Les adeptes deviennent des professionnels du martyre. En 1780, l'élan convulsionnaire dépasse les frontières de la capitale. Près de Lyon, certains se rassemblent autour de François Bonjour, curé à Farins dans l'Ain. Comme tout bon convulsionnaire qui se respecte, il est millénariste. Ce qui veut dire, et selon lui et ses ouailles, que le Christ reviendra dans 1000 ans. Alors, les séances de convulsion sont plus extrêmes que jamais. François Bonjour et son frère Claude sont châtiés par les autorités, inquiètes de ce déferlement de violence christique. La journaliste Suzanne Privat a retrouvé dans une thèse une trace de ces fameuses séances de crucifixion encouragées par François Bonjour. Dans l'église de Farins, le 12 octobre 1788 à 15h, Étiennette Thomasson en est victime. Dans une lettre adressée au frère de la jeune femme, François Bonjour évoque ce sacrifice. Elle a déjà eu les pieds percés pour vous mercredi dernier. Elle va commencer pour vous une nouvelle pénitence qui consiste à boire pendant 9 jours du fiel à son déjeuner et à se faire percer tous les jours plusieurs fois la langue pour expier les mauvais usages que vous avez faits de la vôtre. En prison, en attendant son jugement pour une séance de crucifixion, le gourou François Bonjour échange des lettres enflammées avec une femme de chambre, Claudine Dauphin. Il faut dire qu'elle a eu une vision qui tombe à pic. Elle enfantera avec lui un fils qui sera l'incarnation du prophète, Élie, et deviendra sa majorité, l'Esprit-Saint. François Bonjour et Claudine deviennent l'époux et l'épouse, avec un E majuscule, pour leurs adeptes. Mais un vice de forme permet de casser la procédure, et François Bonjour sort libre de prison. Avec sa femme, il s'installe à Paris, près des Gobelins, dans le 13e arrondissement. Et c'est là qu'il fonde la Sainte Famille, marquée par la naissance, le 18 août 1792, d'Élie, enfant censé devenir Esprit Saint. Une centaine de personnes gravitent autour de la Sainte Famille et vénèrent cet enfant vu comme un prophète. Le 10 janvier 1805, François Bonjour est arrêté avec 15 autres adeptes. Mais les bonjouristes font survivre le mouvement à l'origine de la famille parisienne grâce à un certain Jean-Pierre Thibault. Lui, c'était le portier de François Bonjour dans le 13e arrondissement de Paris. Cet ancien vigneron a été témoin des miracles de l'enfant Ellie et raconte même avoir eu des visions. En 1802, il donne naissance à son fils, Augustin Thibault. Tous les fils aînés de la communauté porteront désormais ce prénom. En 1819, dans un bistrot de Saint-Maur, en banlieue parisienne, Thibault partage un repas avec son ami, surnommé Papa Yette. Au moment de régler, les deux hommes sortent une pièce chacun, mais une troisième apparaît sur la table. La pièce du Saint-Esprit. Cette apparition convainc les deux amis, Papa Yette et Papa Jean, de marier leurs enfants, la famille aînée. Dans son livre Enquête, Les Inspirés, le journaliste parisien Nicolas Jacquard échange avec un membre actuel de la communauté parisienne pour comprendre cette union. Et voilà ce qu'il lui répond. Il faut voir ça comme une parabole. Cette réunion des deux familles, c'est une histoire d'entraide pour lutter contre les iniquités de l'époque. Ces utopistes ont créé quelque chose qui a perduré. Et de plus, ils ont tous résidé dans les mêmes secteurs. C'est qu'à cette époque-là, encore plus qu'à d'autres, il fallait rester proches les uns des autres. C'était déjà une mini-société dans la société comme la famille l'est encore aujourd'hui. C'est en 1822 que la famille se replie dans le 11e arrondissement de Paris. Il faut dire que Papa Yette, celui qui a assisté au miracle de la pièce de monnaie avec Jean-Pierre Thibault, vous me suivez j'espère, est l'un des plus gros propriétaires fonciers de la capitale. La majorité de ses biens se situe d'ailleurs dans la rue de Montreuil. Et la légende raconte que le prophète Élie Bonjour a laissé son troupeau dans cette artère parisienne. C'est là qu'à la fin des temps, il est censé réapparaître pour venir les chercher. La communauté respecte un suivi de la religion catholique et quelques idoles jansénistes ici et là, mais elle n'est pas encore fermée. D'autres patronymes s'y greffent. Certains noms de famille font leur apparition, mais ne restent pas longtemps, faute d'héritiers masculins. Croiser les familles amies, rien de très choquant au XIXe siècle où les mariages d'amour font office d'exception face aux unions arrangées. C'est Augustin Thibault, oncle d'Auguste donc, l'un des pères spirituels du mouvement religieux, qui va fermer la Sainte Famille autour de 8 noms. Un autre père spirituel né le 25 avril 1863, rue de Montreuil, Paul-Augustin Armand Thibault, qui épouse sa cousine à 24 ans. Un Thibault et une Thibault, c'est Augustin que l'on aperçoit sur ses photos sépia, sa moustache bien fournie au cosseux. Alors au fur et à mesure, les règles de la famille se dessinent avec oncle Auguste, le dernier prophète, ainsi qu'un catalogue d'interdits qui va creuser le fossé entre les membres de la communauté et le monde extérieur, appelé la gentilité. Le destin des femmes de la famille, lui, est scellé par l'oncle Auguste, et pour longtemps. Elles devront se consacrer au mariage et aux enfants. Elles sont exclues de certains rites et surtout ne pourront pas travailler. Dans un mémoire anonyme de la fin du XIXe siècle, appartenant à la famille et que Suzanne Privat a pu consulter, on peut lire. Auguste nous a dit en parlant de ses enfants, « Je ne veux pas que mes filles travaillent en atelier, ni qu'elles portent de chapeau, alors même qu'elles seraient mariées. Je refuserais de les recevoir si, étant malade, elles venaient me voir parées de bijoux et de coquetterie. Mes garçons ne devront jamais ni être employés, ni contremaîtres, ni patrons. Quant à l'instruction, je n'enverrai jamais mes filles à l'école. » Et mes garçons iront le moins possible, étant entendu que je ne ferai jamais de faux, ni n'en ferai commettre pour leur permettre d'y aller. C'est en 1892 qu'oncle Auguste décide de la fermeture définitive de la communauté au monde extérieur, réservant son appartenance à seulement 8 noms. Ils ne se mélangeront plus, le groupe se referme, c'est le début de la consanguinité. Dans son livre, Suzanne Privat reprend les différentes règles élaborées par l'oncle Auguste, le dernier des prophètes. Les membres de la communauté ne doivent pas porter de vêtements blancs, couleur divine, ou rouge, la couleur du malin. Les filles ne couperont pas leurs cheveux, car elles doivent pouvoir se draper avec devant l'Éternel. On est prévoyant. Les membres ne doivent pas voter, parce qu'il ne faut pas participer à la course du monde. Les vacances sont interdites et on prendra soin de rester aux abords de la rue de Montreuil, de ne pas dépasser le bois de Vincennes. Les enfants, eux, seront baptisés à 6 semaines. Le mariage civil est interdit, c'est le père de l'épouse qui le célébrera au sein de la communauté, bien sûr. Les enterrements auront lieu 3 jours après le décès et les défunts seront inhumés dans la fosse commune. Les femmes ne peuvent pas assister aux funérailles. Chaque étape de la vie est encadrée par la communauté, ritualisée, impossible d'y échapper. They just love to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood's thicker than the mud. It's a family affair. Affaires sensibles. De la famille, on n'entend que très rarement parler. Même rue de Montreuil, les riverains ne les connaissent que de vue. Bonjour, bonsoir, rien de plus. Mais dans les années 60, les médias s'amusent de cette drôle d'aventure communautaire. La presse se prend de passion pour les membres de la famille qui se sont exilés à la campagne. Car on délocalise également. À 40 km de Béziers, des Parisiens du 11e arrondissement s'installent dans le village de Pardaillan pour fonder une communauté agricole comme on en trouve en Israël. Au printemps 1960, 80 Parisiens envahissent ainsi ce village à l'orée des Cévennes en proie à l'abandon. Alors qu'en France, les villages meurent et tombent en ruine, quand une communauté ressuscite l'un d'entre eux, l'emballement médiatique ne se fait pas attendre. Les femmes en robe portent un voile et les cheveux longs, les hommes sont rasés. Prêts, cigarettes toujours vissées aux lèvres. Cet exil de la capitale vers ce plateau glacial s'est fait à l'initiative d'un certain Vincent Thibault, un membre de la famille, évidemment. C'est au retour d'un voyage à la frontière jordanienne que lui vient l'idée de créer une communauté dans la communauté, le rêve d'un kibbutz à Pardaillan. Aidés par d'autres cousins, ils vendent tous leurs biens et achètent 300 hectares à l'abandon. Et c'est un cinquième de la communauté parisienne qui s'installe dans ce trou paumé. Une étrange petite république se met en place sous les yeux étonnés des irréductibles Pardaillanais qui appellent avec leur accent qui chante ces nouveaux venus les Juifs de Belleville. À Pardaillan, le patrimoine est commun, il n'y a pas de salaire, chacun reçoit en nature ce dont il a besoin pour vivre. Voici Vincent Thibault, qui échange avec un journaliste dans la célèbre émission 5 colonnes à la une. Au milieu des labours, il raconte son kibbutz avec l'un de ses cousins qui s'occupe de l'économat. Il n'y a pas d'argent individuel? Non, absolument pas. Même pas d'argent de poche, enfin. Non, étant donné que je viens de vous dire, de chacun selon ses capacités, oui, et à chacun selon ses besoins. Je sais pas, quand on va acheter un paquet de cigarettes, par exemple. Eh bien, vous avez à ce moment-là un responsable, n'est-ce pas, un économat. Oui. Notre économiste n'est pas ici. Si, c'est toi qui t'occupes de cette chose-là. La distribution du travail, la distribution des cigarettes a lieu une fois par semaine. Lucien, pour le travail lui-même, comment ça se passe? Eh bien, pour le travail intérieur, nous avons désigné des responsables par rubrique. Le plus difficile, ça a été de former ces gens qui n'étaient pas du tout adaptés à ces... Tous ces métiers sont nouveaux. Alors nous avons dû former des tracteuristes. Et il faut combien de temps pour apprendre à diriger un tracteur? Pour un tracteur, il faut un mois. Les repas se prennent en commun, réveil à 5 ou 6 heures. Les femmes sont à la couture ou à l'atelier mécanique où elles construisent des porte-manteaux pour une commande à Béziers, par exemple. Un poulailler a été construit. Les enfants de la famille de Pardaillan vivent entre eux et non près de leurs parents. Idem pour les ados. Autrefois 100% parigots avec leur accent titulaire coupé au couteau, ils restent entre eux et ne s'aventurent pas à la ville. Ils dorment dans un dortoir, partagent des lits doubles, ne dansent pas et ne vont pas au cinéma. Ce qui intrigue d'ailleurs le journaliste de Saint-Colonne à la Une. Si vous vouliez un soir descendre un samedi soir, vous avez des voitures ici, vous pourriez le faire. Bien sûr, on n'a qu'à demander aux responsables. Vous n'en avez pas envie? Non. On pourrait faire un bridge ici, ou jouer à plusieurs jeux. Oui, vous êtes des garçons très sages, quoi. Oh, sages, n'exagérons rien. Ou lutte. Qu'est-ce que vous faites le soir? Vous êtes ici? Oui. D'ailleurs, on a un jeu de cartes ici, on a tous les jeux qu'on veut ici. Alors, vous vous mettez comme ça devant la cheminée? Oui. Ou à table, ou alors on prend un livre, on lit là où on peut lire dans le livre. Vous discutez? Ou on discute. De quoi? Sport, ce qu'on a fait dans la journée, ou sur un livre, par exemple, qu'on a lu dans la semaine. Dans le dortoir, là, vous couchez à deux, dans chaque lit. Ça vous gêne pas, ça? Vous êtes jamais seul, quoi, finalement? Non, jamais. En 1963, la communauté dissidente de la famille n'existe plus. Retour à Paris, dans le 11e arrondissement. La famille parisienne perdure, avec ses rites, elle s'étend même. La contraception n'étant pas à l'ordre du jour, même en autarcie, le groupe s'agrandit au fur et à mesure que les branches des arbres généalogiques des Thibouts, Fertz, Sanglier et autres s'entrecroisent. Ces mariages entre cousins leur permettent de rester dans le monde tout en étant coupés du monde. Le tout dans une culture du secret absolu. Dans la famille, on se marie vierge, et très tôt. L'IVG est interdite, tout comme la contraception. Aujourd'hui, certains foyers comptent ainsi une dizaine d'enfants. Ceux qui divorcent sont exclus. Les femmes ne sont pas censées travailler. Leur élan de grandes études est généralement freiné par des grossesses très jeunes. En 2017, deux journalistes, Séverine Liattard et Séverine Cassard, enquêtent sur la famille pour France Culture. Elle donne la parole à Nicole, qui a vécu dans cette communauté avec des plaints et des déliés. Son père avait quitté la famille, puis il est retourné pour s'y marier. Nicole raconte ses règles qui conditionnent les membres du groupe. Puis, sans compter que du côté de la femme janséniste, vu son cousin, après tout, ils étaient cousins, il y a eu quand même ces fameux enfants au jour rouge. Moi, j'ai un frère qui est décédé aussi d'une maladie génétique, causée par, la consanguinité. Ouais. Et voilà, alors vous voyez, tout ça mis bout à bout, ça fait des vies de douleur. De douleur. Parce que moi, j'ai connu que ça, en fait. Et petit à petit, si vous voulez, on ne se voyait pas. Mais petit à petit, j'apprenais, 8 ans plus tard, que mon frère, mon demi-frère, avait cette pathologie, qui est décédé très jeune. Un autre demi-frère qui est décédé d'une leucémie. Enfin, vous voyez, c'était cataclysme sur cataclysme à chaque fois. À force de croiser les branches de leurs arbres généalogiques, la consanguinité gangrène le troupeau. Car les unions entre cousins, bien que légales, peuvent avoir des conséquences dramatiques, on le sait. Des enfants qui décèdent très jeunes, des handicapés, l'omniprésence de maladies auto-immunes, de cancers, et puis ce fameux syndrome des jours rouges que toute la famille connaît mais qui se chuchote dans les halls d'immeubles feutrés de l'Est parisien. Ces gamins ne grandissent pas assez, ils ne dépasseront pas 1,50 m et mourront jeunes. Il s'agit, pour ceux qui en sont touchés, du syndrome de Bloom, une pathologie rarissime qui touche une personne sur un million. La voix aiguë, un lupsus qui teint le dessous des yeux et donc les joues en rouge, cette maladie provoque un risque très important de cancer ou de tumeur. Et elle est favorisée par l'endogamie. Dans son enquête parue dans Le Parisien, le journaliste Nicolas Jacquard donne la parole à Patricia, qui a vécu dans la communauté et qui l'a quittée à 23 ans. Des proches ont de l'hémochromatose, une maladie liée à la mauvaise absorption du fer. Ça pose d'autant plus de problèmes que les contacts avec le monde médical sont limités autant que possible. Il y a déjà eu des décès de femmes en couche. Ma petite sœur a failli perdre la vie dans les années 70 parce qu'on ne lui avait pas détecté assez tôt la tuberculose. Dans certains parcs, on les croise parfois, ces femmes aux cheveux très longs et aux robes et jupes marines tout aussi longues, entourées d'enfants. C'est le noyau dur de la famille. Mais aujourd'hui, la majorité des membres se regroupent surtout autour de rituels. Parmi eux, il y a la soupe. Chaque premier samedi du mois, les hommes se rassemblent dans un bistrot rue de Charonne. Sans les épouses, on parle de choses sérieuses. Ils sont une quarantaine, commandent du vin rouge et sortent leurs baguettes pour se faire leur propre sandwich. Et ils ressortent gorgés d'alcool à l'aube. L'alcool, une substance qui fait partie de la culture de la famille. D'ailleurs, la boisson est encouragée dès 13 ans. Pour resserrer les liens. Baptême, noces, toute occasion est bonne pour boire. Oncle Auguste lui-même était un grand consommateur de spiritueux. Sa mule, dit la légende, connaissait par cœur le trajet Bastille-Écosseux, lui permettant ainsi de rentrer entier après avoir fait la tournée des bars en prophétisant sur la Sainte Famille et favorisant la consommation d'alcool chez les jeunes. Histoire peut-être de faciliter la drague entre cousins et cousines. C'est ainsi que cette famille gamagétée se constitue. Baptême, fiançailles, noces et mort. Jusqu'à la fin, la vie des membres est orchestrée selon les préceptes de l'oncle Auguste. Exit les EHPAD et autres maisons de retraite, ce qui peut effectivement éviter certains drames. Les anciens malades ou en bonne santé restent à domicile et on s'occupe d'eux. Et puis quand vient la faucheuse, là aussi, la famille ne fait pas comme tout le monde. Après un décès, la communauté procède à une veillée de 3 jours, là où il a eu lieu la mort. Tout le monde assiste à ce rite, même les plus jeunes qui se racontent entre eux leur premier mort, qu'ils doivent d'ailleurs embrasser sur le front. Pas d'enterrement traditionnel non plus. Comme l'imposait l'oncle Auguste, le dernier adieu se passe entre hommes, dans la fosse commune. Alors, direction le cimetière de Thiers et ses 3 divisions réservées aux indigents, le fameux carré des indigents. La ville de Paris n'autorise pas cette technique d'inhumation. Le gardien de la nécropole de Seine-et-Marne connaît bien ces gens qui ne font pas comme tout le monde. Les pompes funèbres ne s'occupent que du transport. Noces, derniers adieux, ces rites se déroulent en public, mais avec une crainte farouche de l'extérieur. Alors, comment partir de ce groupe? Car s'émanciper signifie rompre avec ses proches, son passé. Au fil des dernières décennies, plusieurs dizaines de ses membres ont toutefois franchi le pas. Et certains disent avoir subi des menaces. Cette peur de la gentilité, l'extérieur, est partout. Les prières, les cantiques rappellent que le monde est mauvais. Au micro de France Culture, Florent raconte son enfance de môme parisien embarqué dans la communauté secrète, son éducation apocalyptique au cœur de la capitale. Dans ses écoles, collèges et lycées des 11e, 12e et 20e arrondissements, on leur conseille de rester chez eux. Certains parents leur interdisent d'aller aux anniversaires. C'est ce que raconte Florent au micro de Séverine Yattard et Séverine Cassard. Et la grosse base, c'est quand même, faut pas fréquenter l'extérieur. Alors c'est un peu hypocrite parce qu'ils les fréquentent forcément au travail. Et à l'école, les enfants. Et à l'école, enfin, moi si je parle de mon cas, moi en primaire, j'avais 7 cousins dans ma classe. Donc on était les seuls à ne pas partir en vacances de neige ou en vacances vertes. Et voilà, c'est assez particulier. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le quartier, tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît. Il y en a qui nous appellent les témoins de Jéhovah, il y en a d'autres qui nous appellent les mormons. Mais personne ne sait. Personne ne sait exactement qui on est. À l'école, les professeurs, à la mairie, dans les services HLM ou dans les services funéraires ou les rites obligatoires de la vie, les gens nous connaissent. Parce que c'est assez spécial quand même, 8 noms de famille comme ça qui se marient depuis plusieurs générations ensemble, ça fait forcément tilt. En résumé, dans cette famille, pas de gourou, pas de question d'argent, pas d'ostracisation totale et surtout pas de prosélytisme. Difficile de mettre un qualitatif sur ce qu'elle est. Une communauté, une secte. Les témoignages d'anciens membres de ce groupe dont on peut devenir adepte que par le sang s'avèrent néanmoins glaçants. Douleur, violence, lavage de cerveau et impossible de revenir dans la communauté une fois qu'on l'a quittée. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, garde ce groupe dans son viseur. Depuis les publications d'enquêtes, de livres et d'articles sur le sujet en 2020, la communauté s'en replie et en son sein les critiques fusent, la culture du secret s'effrite. Comme ses membres l'avaient prédit, attention, l'extérieur attaque. T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, famille, je vous aime ou famille, je vous hais. C'est selon, on va en parler avec notre invitée, Suzanne Privat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice du livre La famille itinéraire d'un secret, publié aux avril en 2021, donc l'an dernier. Je précise qu'il s'agit là d'un nom de plume. Dans votre ouvrage, vous livrez une enquête très personnelle. Tout part d'une photo de classe, celle de votre fille qui, en 2014, vient d'entrer en cinquième dans un collège parisien, c'est ça? Exactement. Racontez-nous. En fait, ma fille était donc en cinquième et chaque année, on avait le rituel de regarder des photos de classe. Et sur cette photo de classe-là, elle identifie plusieurs amis et elle me dit, tu vois, celui-là, il est cousin avec celui-ci, puis ah, avec celle-ci aussi. Et elle me cite les noms parce que l'un des deux garçons était un de ses copains assez proche. Et puis voilà, le sujet passe. Moi, je reste avec cette idée de cousin. Et l'année suivante, re-cousin, mais cette fois-ci pas tout à fait les mêmes. Et ça s'est reproduit encore deux années de suite, jusqu'à la fin du collège. Il y avait des strates de cousins qui se superposaient. Et je trouvais que c'était un petit peu étrange. Et les noms, les noms ont travaillé dans ma tête jusqu'au jour où un jour de désœuvrement, je me promenais dans la rue de Montreuil, que vous avez cité tout à l'heure, et je ne sais pas pourquoi, j'ai rentré deux de ces noms dans le moteur de recherche, et là, d'un seul coup, je suis tombée sur un acte de naissance qui datait de 1849, croisant deux de ces noms exactement à l'endroit où j'étais. Je me suis dit, c'est très bizarre, cette permanence. Presque 200 ans plus tard, ils sont encore là. Et oui, ils étaient déjà là 200 ans plus tôt. Donc, ça m'a un petit peu fascinée. Et ma curiosité aidant, je suis partie sur la quête de cette drôle d'histoire. À quelle méthode? Parce que c'est difficile de leur parler, apparemment, puisqu'ils sont, ils veulent hyper discret, secret absolu. Avec mes armes de curieuse et les armes de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai beaucoup arpenté, je me suis promenée. J'ai tout de suite été sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, j'ai croisé des noms qui se répétaient. Tout de suite, j'ai perçu quand même qu'il y avait un entre-soi qui était très très visible. Je me souviens notamment de photos de profil collectif. C'est assez rare des photos de profil collectif où il y a deux trois personnes sur la même photo de profil sur Instagram. C'est assez unique. Et du coup, je savais même pas qui était qui en fait. Et on retrouvait les mêmes personnes d'Insta en Insta. Et ça m'a un petit peu fascinée. Et puis très vite, j'ai eu accès aux archives parce que l'histoire de la famille est très documentée par la famille elle-même. Et sur un site de généalogie, j'ai pu remonter très vite l'histoire de la famille. Et j'ai eu un coup de chance phénoménal qu'un jour, la personne que vous avez entendue tout à l'heure, qui s'appelait Florent, a mis en ligne toute l'histoire de la famille sur une page Facebook. D'accord. Et je suis tombée dessus le jour où il l'a mis en ligne. Alors, c'est assez fascinant l'esprit communautaire, ici comme ailleurs. Renoncer à des pans énormes de ses libertés, en ayant le sentiment justement d'être libre, de ne pas faire comme tout le monde. C'est assez tordu, quoi. C'est assez tordu. Alors là, j'apporterai quand même une nuance, c'est que les rites que vous citiez, vous citiez au cours de votre récit, ce sont pour certains très amolis. Notamment, les femmes travaillent. Pour la plupart d'entre elles, parce qu'il faut bien, il faut bien vivre en fait. Les règles vestimentaires que vous évoquiez, elles n'ont presque plus lieu, sauf dans le noyau dur, où là effectivement on trouve encore des femmes avec des vêtements longs, des cheveux longs, et donc il y a une apparence de liberté. On vit comme tout le monde, et de fait ils vivent comme tout le monde. Ils sont sur les réseaux sociaux comme vous et moi. Ils vivent une vie totalement moderne. Ils partent en vacances désormais. Oui, c'était interdit pendant un moment. C'était interdit pendant très longtemps, mais depuis. En fait, ils suivent l'évolution de la société. Suivent l'évolution de la société avec un quant à soi. Et avec un entre-soi. Alors, je reviens sur le fait de se sentir libre, justement, de ne pas faire comme les autres, mais il y a aussi le côté protection, cocon. C'est un cocon. C'est un cocon pour eux qui est joyeux, parce qu'ils ont quand même la persuasion, la conviction d'être des élus. Donc, entre-soi, ça, c'est plutôt un objet de fierté, en fait. Et on les élève dans une sécurité absolue, parce qu'ils ont la conviction d'être des élus. Le monde autour leur est présenté sous un jour hostile. Donc forcément, cet entre-soi est très confortable. Et puis, toute leur vie est beaucoup plus simple qu'à l'extérieur, puisqu'ils savent très bien, très jeunes, que l'emploi ne sera pas un souci, par exemple. Ouais. Donc c'est par rapport au monde, c'est un pied dedans, un pied dehors. C'est un pied En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, quel regard les gens du quartier posent-ils sur cette famille? Ils sont interloqués. Est-ce qu'on en parle que c'est bien oui, aussi. On en parle parce que moi ma curiosité est une curiosité individuelle, mais très vite en parlant avec des amis au café le matin, je me suis rendu compte que j'étais très loin d'être la seule à avoir été interloquée par la famille. Tout le monde les connaît, évidemment tout le monde les connaît, et tout le monde se fait beaucoup d'a priori sur la famille. Ah bah oui, forcément. On y voit bien plus noir qu'il n'est en réalité, en fait, je pense. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, pour les raisonnements les plus simplistes ou pour la mise à circuit. La bande de consanguins, c'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort en premier. Le côté sectaire est très vite brandi. Et il y a d'autres gens, au contraire, qui disent oui, mais ils sont très épanouis. Les enfants vont très bien. On les a en classe. Et de fait, les enfants sont des enfants. J'imagine que les rites violents dont on parlait, qui nous renvoient à deux siècles auparavant, voire un siècle et demi de ce qu'on en sait, de ce qu'on peut en savoir, n'existent plus, enfin, j'imagine. Ça, je ne suis pas capable de le savoir. Je n'ai pas discuté avec des gens qui étaient dans la famille. Je pense que non. Je pense que le temps a fait son œuvre, effectivement, et que tout l'aspect extrêmement exotique des crucifixions et des convulsions a heureusement disparu. Bon. Parlez-nous de cet oncle Auguste. Alors, parce que lui, c'est vraiment la star de la famille. Hein. Lui, c'est la star de la famille. Alors, c'est une star qui fait un petit peu honte sur le... désormais. Je pense que l'héritage... Le côté alcoolo, non ? L'héritage un peu pesant de l'oncle Auguste est un peu lourd. Et je pense que ce qu'il en reste, beaucoup, c'est l'obligation de se marier entre soi. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il a décrété pour une raison qui lui appartenait, en fait. Et qui perdure jusqu'à présent. S'il y a quelque chose qui a resté depuis 1892, c'est ça. C'est ça. Donc, on se marie entre cousins. On se marie entre cousins. Alors, cousins éloignés parfois, parce que c'est déjà 8 familles. Ouais. Donc, mais c'est que cousin, ça peut pas être oncle et... Non, bien sûr. C'est que cousin et presque jamais cousin germain. Mm. Je pense qu'il n'y a plus de cousins germains qui s'épousent entre eux. C'est le plus éloigné possible étant le meilleur. Mais de toute manière, ils se connaissent tous depuis l'enfance. Oui, c'est fait pour ça. Hein. Oui. On se marie avant tout entre copains. Entre copains. Bon. On va revenir sur l'histoire de ce groupe rapidement, parce qu'on va pas... repartir deux siècles avant pendant trop longtemps. Alors, il y a quand même Élie, il y a Papa Jean, on a l'impression qu'il y a plusieurs prophètes dans le groupe. Et d'ailleurs, est-ce que ces prophètes sont encore des figures tutélaires ou est-ce qu'ils se sont émancipés ? Je pense que tout ce qui relève du 19e siècle c'est un peu stratifié et appartient à leur patrimoine, mais sans qu'ils y fassent référence régulièrement. Et je pense même que les jeunes gens de la famille n'ont pas forcément connaissance de là d'où ils viennent. Le jansénisme, c'est une notion qui est très vague pour eux. Seuls les plus religieux la connaissent. Je pense qu'il y a des gens qui grandissent dans la famille, qui vivent dans la famille, qui prospèrent dans la famille sans savoir l'histoire de la famille. Par contre, il y a une piété. Il y a des prophètes qui surgissent de temps en temps. Ça existe encore. Des gens qui sont très inspirés par la religion et qui prennent la parole un temps. Oui, ça existe encore. Est-ce qu'ils sont soucieux de ce qu'on dit d'eux? Je croyais que non, mais en fait, peut-être que si. Si nous écoutent, on va avoir des réponses. Peut-être que oui. Peut-être qu'ils ont. Je pense qu'ils ont mal vécu le fait d'être révélés au grand jour. Surtout, ils tiennent à ce que l'image de la société qu'ils composent ne soit pas déformée, en fait. Mmh. Oui, enfin, s'ils ne jouent pas la transparence, faut pas qu'ils se plaignent, c'est déformé, en même temps. Oui, leur idée, c'est de rester à l'écart. Donc, pourquoi iraient-ils se montrer, s'ils ne veulent pas se montrer? Bien. Bon, on en reparle dans 3 minutes, après avoir écouté Alex Cameron, Sarah Jo. Nobody, not in any physical way. Suzanne Privat, quel est le sort réservé à ceux qui ne respectent pas les règles de la communauté? Soit ils restent seuls, soit ils partent. Et quand ils partent, ils ne reviennent pas? Ils ne reviennent pas. C'est irréversible? Sauf s'ils décident de revenir. Ils peuvent revenir. Mais s'ils partent, ils coupent les ponts avec la famille qui s'avère être aussi leur famille. Mais ils peuvent revenir, donc c'est assez libéral quand même. Ils peuvent revenir, je suppose qu'on doit faire amende honorable quand on revient, mais ils peuvent revenir. Mais par contre, le temps qu'ils sont en dehors, ils n'ont plus de lien proche avec leur famille, ils ne se voient plus. J'aimerais qu'on revienne sur la place des femmes dans cette communauté. Est-ce qu'elle est en décalage, cette place des femmes, en décalage par rapport à tous les combats féministes menés en ce moment? Elle a, je dirais, quelques décennies de retard. Ah oui, quand même. Oui. Parce qu'effectivement, la contraception, a priori, c'est pas un sujet. L'IVG, encore moins. Le mariage est effectivement plutôt précoce, avec donc des naissances rapides. Et de fait, il y a quand même des femmes qui font des études, mais moins que les hommes. Moins. Mais même s'il y a désormais des femmes qui ont des diplômes assez conséquents quand même. Alors, on l'a évoqué également, mais quelle place occupe la fête? Est-ce qu'elle occupe toujours cette place prégnante? A priori, la fête est tout à fait ritualisée, oui. C'est un élément fédérateur et conciliateur de la famille. Oui, la fête existe. Qu'elle soit alcoolisée ou non, hein, je ne suis pas sûre que tous soient des alcooliques invétérés, je pense même que non. Mais la fête est pratiquée même très jeune, effectivement. Alors, puisqu'on parle de très jeune, les enfants en classe, ils sont identifiés par les enseignants? Désormais, oui. Par les autres gamins? Alors, dites-moi, expliquez-moi ça. Oh, oui, désormais. Alors, en fait, je pense qu'il y a toujours eu une conscience de quelque chose de différent. Ne serait-ce que par la prégnance des noms dans les listes d'appels. Quand on a deux Thibauts par classe, plusieurs années de suite, c'est un petit peu perturbant. Donc on les a identifiés. Mais tous les instituteurs et les professeurs que j'ai pu rencontrer ne notent pas de comportement étrange chez les enfants, sauf que ce sont des enfants plutôt réservés et qui, en dehors du temps scolaire, ne participent pas au parascolaire du tout. Donc ils ne vont peu à la cantine, voire pas. Ils ne participent jamais aux classes vertes. Ils ne vont pas aux anniversaires les uns des autres. Et surtout, ils sont un peu entre eux. Alors, la Miviludes a le groupe dans le viseur, pas forcément en ligne de mire, mais enfin bon, on surveille quand même, ou pas? Une attention. Il y a une attention. Oui. Il y a une vigilance, notamment pour l'endoctrinement des enfants, pour la privation de liberté de penser. C'est vraiment le souci de la Miviludes, c'est le fait que les enfants n'ont peut-être pas la capacité de choisir leur avenir. Mais ça s'arrête là. Le reste n'est absolument pas apparenté à une secte, dans la mesure où il n'y a pas de gourou, où il n'y a pas de volonté d'avoir un apport à la société et de prendre la main sur la société. Il n'y a pas de prosélytisme du tout. Et il n'y a pas de lien économique entre une centralité et une externalité. Donc, c'est pas une secte, de toute manière. On estime à combien les membres de cette famille? On disait 3000 tout à l'heure. On disait 3000. Je pense qu'entre 2500 et 4000, on est dans la vérité. C'est très difficile d'avoir un total parce que l'INSEE ne recense que les décès et pas les naissances. Mais si on considère qu'il y a à minima 4 enfants par famille et au maxima 17 à 18, je crois, et que c'est plutôt aux alentours de 7-8 que se trouve la moyenne, effectivement, les générations prennent très vite de l'ampleur. C'est toujours très parisien comme phénomène parce qu'on a parlé de cette délocalisation en province. D'ailleurs, ça fonctionnait bien, cette analogie avec les kibbutz. Après tout, ça pouvait fonctionner avec l'esprit de cette communauté. Alors, ça fonctionnait bien, sauf que c'était déjà le reflet d'un schisme, en fait. Le Vincent Thibault que vous évoquiez tout à l'heure était, lui, par contre, un gourou, clairement, qui a eu une volonté de prendre la communauté sous son joug. Et il n'a pas fait souche, hein, c'est lui qui s'est fait virer, en fait, de la communauté. Et après, quand ils sont revenus à Paris, l'histoire était close et ils sont revenus sur le fonctionnement ancestraux. En revanche, il y a eu un. C'est le reste de la communauté est strictement parisienne et en proche banlieue, parce que les loyers parisiens sont devenus un petit peu trop conséquents pour des bourses où il y a beaucoup d'enfants en fait. Donc certains vivent en proche banlieue, mais ceci dit, il reste encore une petite émanation du kibboutz quelque part en Haute-Loire, où il y a une toute petite communauté d'une quarantaine de personnes. Très bien, merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés, Suzanne Privat, sur cette drôle de famille. Merci. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, La Famille donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Selim Gheribi.